Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre podcast Le Courrier de la Ster, le podcast qui revient sur ce qu'on a découvert dans le monde des oiseaux ces 7 derniers jours. Et cocorico, cocorico, aujourd'hui on parle du coq! Comment ça va Sophie? Eh ben écoute, très bien, réveillé du coup. Ah bah on va être réveillé, ça c'est sûr, et ça va même poser des problèmes de voisinage. Oh, c'est non. Pour te dire. Ah si, si, on va revenir sur quelques affaires judiciaires. On avait parlé du perroquet il y a pas longtemps, et bien on va parler du coq désormais. Pour d'autres procès. On reste dans les oiseaux bruyants du coup. Hein. On reste dans les oiseaux bruyants. Et toi Sophie, tu vas nous parler de quoi tu nous emmènes où aujourd'hui? Moi aujourd'hui je vous emmène en Patagonie, donc on va à l'autre bout du monde et on va aller voir des manchots. Et puis pas que, parce qu'il y a des petits trucs autour d'eux qui se passent dans leur environnement, qui sont intéressants. Un peu, voilà, enfin, je vous en dis pas plus, vous découvrirez sur le moment, mais on va aller voir du manchot et ça, c'est chouette. Et c'est en plus les oiseaux que tu apprécies le plus, les manchots. Pas forcément, mais j'avoue que j'ai un petit faible... Ouais, toujours la tier list, Sophie, toujours la tier list. Il faut qu'on la fasse, cette tier list. On l'a dit à chaque fois, on la zappe. Vraiment, il va falloir qu'on la fasse. Ah oui, mais c'est parce que j'ai un mauvais matériel informatique, c'est oui, pour ça. Des excuses, toujours des excuses, là, non, mais voilà, la tier list. Les auditeurs, les gens veulent savoir. C'est vrai, les gens veulent du sang, voilà. Exactement. Bon, avant cette fameuse tier list, rétro piou piou, Sophie, qu'est-ce que tu as découvert lors de ces 7 derniers jours, donc dans des petits sujets qui ne méritaient pas forcément qu'on s'y attarde davantage? Eh ben écoute, j'ai découvert un couple mixte. C'est intéressant. Alors, c'est okay. Ornithomédia qui nous ramène une petite news mignonne d'un petit couple mixte en Australie, composé d'un martin chasseur géant et d'un martin chasseur à aile bleue. Alors, on est sur deux espèces de martin chasseur quand même, hein, on n'est pas sur deux trucs très différents. C'est pas un Doberman et un Chihuahua, hein, au niveau de la taille, mm-hmm. C'est quelque chose qui est similaire. Mais quand même, on est sur deux oiseaux qui sont pas exactement pareils. Il y en a un qui a pas mal de bleu sur les ailes, l'autre qui est plus dans les tons bruns, par exemple. Donc, il y a quand même des différences, et malgré tout, il semblerait qu'ils soient en couple, et ils ont inspecté ensemble une cavité pour faire un nid, ils se sont même, ils ont essayé de s'accoupler à plusieurs reprises, donc voilà, on a de l'accouplement inter-espèces, c'est intéressant. Eh bah tiens, je vais dérouter quelque part ma première news, parce que on a parlé du cacapo il y a pas longtemps. C'est toi-même qui en parlais, Sophie, même si en réalité on a plus parlé de son ancêtre que du cacapo lui-même. Et le cacapo, c'est un oiseau donc, de Nouvelle-Zélande, perroquet de Nouvelle-Zélande pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est connu pour nicher sur le sol. Eh bien, jusqu'au moment où Andrew Digby et son équipe, donc Andrew Digby c'est une personne qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux à travers le Kakapo Recovery Project, eh bien les ornithologues ont découvert à leur grande surprise la toute première nidification d'un kakapo dans un arbre à 3 mètres au-dessus du sol. Ah voilà. Oui. Donc c'est une toute première pour le Strigops kakapo et pour les scientifiques qui se sont énormément amusés de cette découverte. Voilà, on a même une petite vidéo si vous traînez sur les réseaux. Est-ce que c'est du coup la prochaine étape de l'évolution pour ces bestioles-là? Tu veux dire qu'il va falloir apprendre à voler maintenant? Voilà, par exemple, tout à fait. Est-ce qu'on serait vers une... Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais est-ce qu'on serait peut-être vers une tentative d'évolution, vers une stratégie plus arboricole? Ah, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas si le cacapo pense à la même chose. Je pense que juste la femelle a dû trouver le trou très sympathique parce que l'arbre, en fait, il faut imaginer que c'est un arbre qui est très très creux et la cavité fait à peu près 2-3 mètres, hein, donc c'est vraiment assez impressionnant. Et donc la femelle a dû trouver, position parfaite et donc a dit bah, tiens, je vais nicher ici. Et donc voilà, on en découvre même sur des oiseaux que l'on côtoie de très près, puisque bah, le programme de conservation du cacapo, c'est un programme qui est suivi de très très près par de nombreux ornithologues, et évidemment ceux qui sont concernés en première ligne. Et bah de mon côté, une news un petit peu moins drôle, est-ce que tu connais le paludisme aviaire? Oui, absolument. Bon, et ben, il semblerait que sur Hawaï, malheureusement, quasiment tous les oiseaux sont porteurs du paludisme aviaire, et ceux qui ne le sont pas, de toute façon, sont infectés très rapidement, parce qu'il semblerait que quasiment toute la population, et alors ils ont inspecté, ils ont pris des échantillons sur 64 sites tout autour d'Hawaï, principalement dans les forêts, et sur 63 de ces 64 sites, ils ont trouvé du paludisme aviaire chez beaucoup beaucoup d'espèces d'oiseaux, principalement donc des oiseaux forestiers, et malheureusement, comme il y a beaucoup beaucoup d'infections au paludisme, et ben il y a beaucoup aussi de mortalité, et donc on a une diminution très très rapide malheureusement des espèces d'oiseaux autour d'Hawaï. Voilà, et comme on est sur un archipel, forcément, les conséquences sont encore plus dramatiques. On en avait parlé, hein, Sophie, je crois, dans un épisode aux alentours de la 80aine, je crois. On avait parlé de l'iwi rouge, notamment. Oui. Peut-être que c'est toi, d'ailleurs, qui avais parlé de, mm-hmm. de l'iwi rouge. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, on vous réfère à cet épisode. Bon, on va continuer dans les mauvaises nouvelles, Sophie, mais plutôt dans les portes ouvertes, avec une étude qui est sortie aujourd'hui. Elle a été publiée au moment où l'on discute, c'est-à-dire le 11 février. Et c'est une étude réalisée par Nathalie Madden et son équipe. Et c'est une revue de publication, c'est une méta-analyse de différentes publications autour de l'importance du bruit et du comportement qu'il peut induire chez les oiseaux. Et donc 944 effets ont été mesurés chez 160 espèces des 6 continents et il a été observé que le bruit anthropique avait des effets négatifs, évidemment, plus importants sur la reproduction des oiseaux chez les espèces qui nichent près du sol les résultats mettent en évidence qu'il faut à tout prix protéger les oiseaux qui sont les plus vulnérables à cette pollution sonore. On vous mettra le lien dans la description. C'est une étude en open access, donc vous aurez tout le loisir de la découvrir de votre côté. Eh ben écoute, on a eu assez de mauvaises nouvelles, et si on passait à un sujet un peu plus sympathique, peut-être? Eh ben écoute, j'en ai un dernier, si tu veux. Vas-y. Parce que je n'ai pas terminé ma rétro. Il faut savoir que donc l'Écosse a adopté pour la toute première fois l'introduction obligatoire de briques à martinet. Est-ce que ça te dit quelque chose, mais cette histoire, Sophie? Mais oui, enfin. Il y a toute une histoire autour de ça. Mais oui. Ah oui, il y a toute une histoire autour de ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle en gros de nichoir pour martinet. Et grâce donc à une circulaire du 30 janvier 2026, grâce notamment au député écologiste écossais Mark Raskell, qui a œuvré pour l'intégration d'un amendement au projet de loi sur l'environnement naturel permettant de multiplier les zones d'habitat des martinets, toutes les nouvelles bâtisses devront être équipées de briques spéciales qui ont un trou dans leur façade qui permettent justement à des oiseaux comme des martinets de nicher. Alors évidemment, ça ne va pas se faire comme ça, il va y avoir une introduction progressive, notamment après une consultation d'un an qui va viser à garantir l'existence d'une norme de construction appropriée. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est un bon point de départ dans un pays, à savoir donc le Royaume-Uni, qui se bat justement pour intégrer de manière définitive ces différentes briques. Donc en Écosse, c'est fait. Au Royaume-Uni, il y avait eu un projet d'amendement l'année dernière qui avait été retoqué par la Chambre des Lords. Mais peut-être que cette introduction en Écosse va pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités à un oiseau qui a perdu 2/3 de ses effectifs en l'espace de 30 ans. Eh bien, on leur souhaite de rebondir grâce à ça et de faire en sorte que la mesure soit appliquée, surtout parce que c'est bien de faire passer les lois, mais c'est encore mieux qu'elles soient appliquées. C'est un autre détail, Sophie. C'est un gros détail, hein, pour le coup. C'est un gros détail, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas appliquée après, justement, mise aux normes, aux constructions de l'intégration de ces nichoirs. Mm-hmm. Voilà. pas d'informations, puisqu'on reste chez les oiseaux type hirondelle martinet, du gouvernement, à savoir de l'Elysée, que j'ai contacté pour savoir s'il y avait bien des hirondelles de fenêtres au palais de l'Elysée encore aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on vous tiendra évidemment informé si jamais on a ce genre de nouvelles. Voilà. Ils vont se sentir et ben voilà, mal Sophie. Au bout d'un moment. À force de les contacter comme ça, je pense qu'ils vont se sentir épiés. Hein. J'espère pas. Si je suis sur liste noire pour avoir posé une question sur les hirondelles de fenêtre. Je suis sûre que ça cache ça va être quelque compliqué. Chose. Ah, c'est ça. Sophie, on va rester dans l'aspect judiciaire, puisque dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire dans quelques instants, on va parler d'affaires judiciaires qui concernent des coqs. Sophie Maurice, est-ce que ça te dit quelque chose ? Ben, le coq Maurice, oui. Le coq Maurice, on avait parlé, me semble. C'est une histoire qui remonte à 2017. C'est un conflit de voisinage entre deux personnes, des propriétaires limousins d'une maison de vacances et une dame qui s'appelle Corinne Fesseau et qui a un coq, qui est propriétaire d'un coq nommé Maurice sur l'île d'Oléron. Et le couple de limousins est parvenu justement à induire le coq et la dame par extension en procès pour justement réclamer le départ de l'oiseau puisque celui-ci chantait beaucoup trop fort. Alors l'affaire s'est ébruitée, elle est devenue nationale. Corinne Fesseau a reçu de nombreux soutiens anonymes. Il y a même une pétition qui avait été signée en ligne, signée par des dizaines de milliers de personnes. Et cette dame, elle avait été également soutenue par le maire de la commune de Saint-Pierre, Christophe Sueur, qui avait anticipé la problématique en publiant un arrêté pour rappeler le caractère rural de sa commune. Il disait d'ailleurs au micro de confrères de France Bleu, un arrêté municipal pour protéger un coq, ça serait certainement une première, mais ici je considère qu'on est dans un tissu rural, le changement du coq fait partie de ces éléments, et je protégerai le coq pour défendre notre façon de vivre, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était la réponse du maire de Saint-Pierre, mais c'est un argument, le fait qu'il soit dans un tissu rural, qui avait été réfuté à l'époque par les plaignants, qui avançaient deux arguments, l'aire dans laquelle était l'oiseau, et par extension où ils étaient, était davantage... à caractère urbain, et l'autre est que le coq est arrivé après que les propriétaires aient acheté leur bien. Et pour attester le caractère anormal du trouble, ils ont même fait venir un huissier de justice au printemps 2018 pour appuyer leur dire, et aussi ils s'appuyaient sur la jurisprudence qui apparemment leur donnerait raison. Enfin, pas vraiment, parce que si tu creuses les différentes jurisprudences, Sophie, et notamment un cas très intéressant qui a eu lieu à Riom dans le Puy-de-Dôme, eh bien, il y a eu une annulation de décision du tribunal de Clermont-Ferrand qui ordonnait non pas cette fois-ci la mise au rebut d'un coq, mais la destruction d'un petit élevage de gallinacés en raison des nuisances sonores. Et elle a justifié ainsi son arrêt, et c'est extrêmement drôle. Alors, si c'est formulé comme ça, c'est juste brillant. La poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à la dresser, pas même un cirque chinois. Si réellement cet arrêté est écrit comme ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Bref, tout ça pour dire que les arrêtés qui avaient été pris par le passé semblaient davantage favoriser le coq. Corinne Fesseau répondait aussi par le fait que les personnes n'étaient jamais trop là, finalement. Il y avait aussi d'autres personnes qui se faisaient l'avocat du coq, comme des voisins qui disaient « on entend beaucoup les pompiers ou les motos et personne ne porte plainte contre eux ». Bonne ambiance, du coup. Et finalement, après 2 ans, mine de rien, de conflit, le 5 septembre 2019, le coq Maurice est acquitté, libre de chanter. L'affaire se conclut par un dédommagement de la part du couple de propriétaires, plus les frais d'avocat. Mais l'affaire du coq Maurice, elle va surtout mettre en place une loi, l'instauration d'une loi, le 29 janvier 2021 au Journal officiel, qui vise à protéger les bruits et les odeurs de la campagne pouvant être considérés comme troubles anormaux du voisinage. C'est une loi en trois articles que vous pourrez retrouver dans la description, qui est donc promulguée le 29 janvier 2021 au Journal officiel comme je l'ai précisé, mais il faudra en réalité attendre avril 2024 pour que cette loi rentre dans le code civil. Alors tu vas me dire, Sophie, ben, ça veut dire qu'on n'a plus de problème avec le coq. Eh oui, maintenant, on peut oui. avoir le coq qui chante. Bah, oui. Eh ben pas vraiment, parce qu'en 2025... une autre personne de l'île d'Oléron, décidément c'est un lieu pour, est attaquée par ses voisins pour les mêmes motifs. Alors là, on ne parle pas d'un coq, mais d'un poulailler. Pourtant, les voisins étaient en très bons termes par le passé. Le couple de retraités qui assignait en justice la propriétaire du coq s'occupait même des oiseaux. Et malheureusement, la procédure n'est pas allée à son terme car l'oiseau a disparu. Voilà, en février 2025, alors que le procès... écoute, si on lit les coupures de presse de l'époque, on n'a pas l'impression que c'est une disparition, on va dire, normale de l'oiseau. C'est pas marqué « l'oiseau est décédé » ou ce genre de choses-là. Non, c'est une disparition. Donc, qu'est-ce qu'il est advenu de ce pauvre oiseau ? Eh bien, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et donc, eh bien, la procédure n'est pas allée plus loin. Alors d'ailleurs, les plaignants ne sont pas très bien identifiés dans les différents articles. Des fois, on parle de frères et sœurs, des fois, on parle de mères et sœurs qui sont installées dans la maison depuis 2021, ce qui me paraît bizarre puisqu'apparemment, on parlerait d'un couple de retraités au départ. Donc, j'avoue que les articles sont un peu flous là-dessus. Et on a eu une autre affaire, toujours en 2025, avec cette fois-ci un autre procès qui est arrivé à son terme, le procès Rico. Donc, encore un coq, encore un problème de coq. Et eh bien, la propriétaire plaignante a perdu, justement, face à l'oiseau. Elle a été condamnée à verser 2000 euros pour réparation du préjudice moral et 1500 euros pour les frais d'avocat. Donc, des histoires qui se sont passées en France, avec une loi qui protège quelque part eh bien, les personnes qui possèdent des coqs qui chantent, notamment. Et en Grande-Bretagne, eh bien, on a une affaire similaire en ce début d'année. C'est pour ça justement que je rebondis sur tout ça. Puisque dans le petit village d'Aldeby, dans le Norfolk, eh bien, Sue Farthing a moins d'une semaine. Alors là, au moment où on enregistre cet épisode, et au moment où vous l'écouterez, le temps serait imparti pour trouver un moyen d'empêcher son coq, qui se nomme Colonel, de chanter. Sinon, il risque d'être saisi, voire la femme devra partir du village. Alors, j'ai essayé d'en savoir plus en contactant la RSPB ce matin pour savoir si, comme en France, il existait des lois d'exception, justement pour troubles, on va dire, logiques au voisinage, à savoir donc des coqs qui chantent ou encore les différentes odeurs de la campagne. Visiblement, il ne semble pas y avoir de lois qui sont indiquées là-dessus, mais ça pourrait créer un précédent parce que l'affaire est en train de prendre une tournure nationale. Il y a une pétition qui circulait demandant au conseil municipal de mettre fin aux mesures prise à l'encontre de l'oiseau et de sa propriétaire, une pétition qui avait été signée dans les coupures de presse que j'ai eu l'occasion de consulter uniquement par 600 personnes, donc c'est pas beaucoup, mais comme je l'ai dit, l'affaire est en train de prendre une tournure nationale et donc il se pourrait que cette pétition finisse par exploser. Et comme je l'ai dit, il se pourrait qu'on ait un précédent qui se crée avec justement cette affaire, même si le porte-parole du conseil municipal de South Norfolk a déclaré que les agents avait rapidement pris contact avec la propriétaire, qu'il avait été demandé eh bien, à cette propriétaire de prendre des mesures pour éviter que son coq ne chante trop, ce que la propriétaire a fait. Elle enferme par exemple un petit peu plus son coq pour éviter qu'il ne chante trop tôt le matin. Oui, parce qu'apparemment il y a une horaire fixe où le coq ne pourrait pas chanter, et c'est 8 heures du matin, d'après les articles de presse que j'ai trouvés. Visiblement, la situation a été jugée déraisonnable et persistante. C'est pour ça d'ailleurs que cet avertissement a été émis. Et la personne qui se plaint de manière anonyme et qui a déclenché cette affaire dit qu'apparemment, eh bien, entendre le coq le matin aurait altéré sa mentalité. Et donc voilà, il y a toute une affaire qui est jugée actuellement. Toute une affaire qui a lieu outre-Atlantique de ce coq colonel. Et donc peut-être que Maurice, dans son malheur, parce que malheureusement le coq nous a quittés en 2020, eh bien va peut-être lui aussi permettre à une habitante et à son oiseau de pouvoir chanter en toute liberté. Je sens qu'il y en a un qui va passer à la casserole. Ouais, bah je sais pas qui, hein, mais... Ouais. Bon, l'un ou l'autre, hein, ça se finira comme ça. Donc voilà un petit peu pour ces différentes affaires, avec des troubles de voisinage qui sont de plus en plus importants. Les gens cherchent de plus en plus de calme et de tranquillité, notamment lorsqu'ils vont dans les milieux agricoles et notamment en vacances. Sauf que la ruralité n'est pas le calme olympien, et on se doit aussi d'avoir conservation de ce patrimoine finalement, puisque c'est un patrimoine à conserver. Et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'il avait été mentionné dans une coupure de presse lors de l'affaire du coq Maurice. Donc, bien sûr. Donc, voilà. J'en connais des gens qui sont partis vivre à la campagne et qui sont pas restés très longtemps parce qu'ils pouvaient pas supporter les bruits de la campagne. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui habitent à la ville qui ont cette idée qu'à la campagne, tout est calme, on entend le gazouillement des petits oiseaux dans le jardin et puis c'est tout. La campagne, c'est bruyant, hein. Je vais vous assurer. Entre les tracteurs qui passent, entre les chiens qui aboient, entre les coqs qui chantent le matin, bah, il y a du bruit, c'est normal. Voire toute la journée, hein. Voir toute la journée. Parce qu'apparemment, certains coqs, ouais, chantent toute la journée. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Mais donc voilà pour cette revue d'affaires. On verra ce qu'il en sera. On vous tiendra informé si on a des informations concernant notre cher coq colonel. Savoir un petit peu comment va se dérouler cette affaire, et peut-être même encore plus tôt que prévu, puisque, comme je l'ai dit, elle avait une semaine pour mettre en place des choses pour éviter justement que le coq ne soit saisi, voire que l'habitante ne parte. Donc on aura peut-être l'occasion même d'en reparler la semaine prochaine dans cette émission. Ah bah c'est top ça. J'espère que ça se passera bien pour le coq. Je l'espère colonel. Aussi. suite au prochain numéro du courrier de la Sterne. Allez Sophie, on part en Patagonie dans la deuxième partie de l'émission. On va pas parler de coq, on va parler de manchot. Mais ça fait moins de bruit un manchot. Je sais pas. Si, ça fait moins de bruit. Mais toi, tu es comment dire. Comparé au coq, ça fait moins de bruit un manchot. Un seul coq fait moins de bruit que. Non, le coq fait plus de bruit qu'un manchot. Le manchot fait moins de bruit que le coq. Ok. Oui. Bah écoute, faut peut-être remplacer le coq par des manchots du coup. Ça donne pas la même chose non plus. Hein. Si vous voulez des œufs frais tous les jours, ça va pas être possible. ça c'est vrai. Mais c'est un peu compliqué. J'ai dit, remarque, j'ai jamais essayé de manger un œuf de manchot. J'avoue que je sais pas trop. Ça se mange. Non. Je suppose que ça se mange comme n'importe quel œuf. Bon, enfin, je. Ouais, bien sûr. Mais il y a des. C'est. Enfin, il y a un mets délicat. Enfin, c'est. Je crois pas. Ou alors j'en ai pas. J'en ai pas connaissance, mais je suppose qu'il y a des gens qui en ont mangé par le passé, oui, mais alors est-ce que c'est considéré comme un mets délicat ? Écoute, j'en ai pas vu au menu des restaurants pour le moment. Bon bah tant mieux. J'imagine que non. vu comment les manchots sont en délicatesse en ce moment, on va peut-être éviter. Hélas. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un manchot bien particulier, qui n'est pas le manchot du Cap. Pour ceux qui nous suivent, je pense que vous savez déjà que j'ai un petit faible pour cela, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons parler du manchot de Magellan. Manchot de Magellan qui habite donc du côté de la Patagonie. qui migrent de temps en temps vers le Brésil et qui habitent aussi sur les îles Malouines. Donc ils sont pas très loin, donc on est parti en Amérique du Sud. Alors, le manchot de Magellan, vous allez me dire, en Amérique du Sud, il n'y a pas de manchot, c'est pas un endroit où il fait froid. Oui, mais attention, les manchots, ça peut vivre aussi dans des endroits où il ne fait pas froid. Ça arrive. Mmh. On a des espèces qui ne sont pas forcément inféodées à des milieux glaciaires. Hein. On a des espèces qui vivent aussi dans des trucs chauds. Ça arrive. Et dans ce cas-là, généralement, ils ont un petit peu moins de graisse que les autres espèces, évidemment, parce qu'ils n'ont pas besoin de résister au froid. Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même des comportements qui sont très proches et qui sont généralement aussi noirs et blancs. C'est comme ça chez les manchots, on est noir et blanc avec parfois un petit peu de jaune, qui est un pigment très spécifique du manchot, qui est ce fameux pigment jaune qui est la sphénicine. Alors, avec les fameux macarons là, des gorfous, là. Les fameuses coupes de cheveux un peu étranges. Oui, effectivement, et qui ont donc ces plumes jaunes là, qui font des espèces de petites touffes, très mignons. Donc ça c'est le jaune typique des manchots. Alors le manchot de Magellan, on n'en a pas, il est principalement blanc et noir. Il ressemble un peu au manchot du Cap d'ailleurs, par certains côtés, hein, au niveau du pattern, donc des dessins sur le corps, avec une tête plutôt noire, avec une sorte de C blanc sur le côté qui va de l'œil jusqu'au cou. Et voilà, le dos généralement noir et le ventre plutôt blanc, sur la majeure partie du ventre en tous les cas. Alors on est sur un animal évidemment qui ne vole pas, hein, c'est un manchot, ce n'est pas un pingouin, on note bien la différence. Et cet animal donc a pour habitude de nicher sur les plages, ou du moins pas très très loin des côtes, en Patagonie. Et il a l'habitude de nicher dans un endroit qui précédemment avait été utilisé jusqu'aux années 90 en tous les cas, comme terre plutôt pour l'élevage des vaches, en tout cas, pour faire du ranch, en Argentine, donc du sud. Sauf que, à partir des années 90, eh ben, ces terres-là ont changé plus ou moins comment dire, elles ne sont plus du coup dédiées à l'agriculture, elles ont été changées en zones protégées pour pas mal d'entre elles. Et alors, vous allez me dire, bah, c'est quand même mieux, en fait, de changer une zone qui est dédiée à l'agriculture à zone en zone protégée. Mais en fait, il y a 2-3 problèmes avec ça, et on va en parler tout de suite. En fait, lorsque les ranchers, donc les fermiers du coin, ont arrêté de s'occuper des terres à partir des années 90, ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont déserté les terres en question, et ils ont laissé un peu la nature reprendre le dessus, et on a eu pas mal d'espèces qui sont revenues sur place, alors ça c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'une de ces espèces-là, c'est le puma. Alors le puma, c'est un gros chat, un très très gros chat quand même, et ce gros chat-là, il a tendance à se concentrer sur des proies faciles, parce que c'est un peu opportuniste, hein, ça va manger un peu ce qui lui passe devant lui, c'est assez simple, et un manchot, bah, c'est quand même facile à attraper un manchot, parce que ça vole pas un manchot justement, et ça c'est bien comme casse-croûte. Donc les pumas sont arrivés après les années 90 lorsque les fermiers sont partis, donc ils n'étaient plus là pour empêcher le puma de s'installer, parce qu'évidemment eux ils ne voulaient pas de pumas sur leur terre, donc le but pour eux c'était de les chasser, hein, donc ils tiraient à vue. Maintenant c'est plus le cas, ils peuvent se balader comme ils veulent, et du coup les colonies de manchots, eh ben, elles commencent à avoir de gros soucis à cause du puma. Juste sur les 4 dernières années, on a dénombré plus de 7000 morts de manchots à cause du puma, okay. Sur 4 ans. Et sur 4 ans, ça fait beaucoup. Parce que la population totale de ces manchots, en ce moment, c'est à peu près 90 000 individus. Donc 7 000 sur 90 000, on est quand même à peu près 7 à 8% de la population qui s'est faite manger par le puma. Donc celle de Patagonie, du coup. Voilà, celle de Patagonie, évidemment. Autre problème, c'est qu'en fait, le puma... Et beaucoup de chats, hein, de gros chats, ou comme votre chat domestique, d'ailleurs, ça marche aussi comme ça. Parfois, ils tuent pas forcément toujours pour manger. Ces animaux-là, des fois, ils tuent juste par opportunisme, ou parce qu'il y a beaucoup de proies disponibles, et ça leur fait un bon entraînement, en quelque sorte. Enfin bref, on sait pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de proies qui sont laissées sur place, qui sont tuées par le puma, hein, c'est des morsures, on peut identifier facilement que ça a été tué par un puma, mais ça n'est pas consommé derrière. C'est-à-dire que l'animal est juste laissé là à décomposer au soleil. Et donc c'est ce qui se passe aussi pour les manchots. Pourquoi ? Parce qu'on a des grandes colonies de manchots, donc qui sont facilement accessibles par le puma. Ces oiseaux ne se défendent pas superbement bien face à un puma, et il y en a beaucoup beaucoup, donc c'est facile pour le puma de rentrer dans la colonie et de tuer un peu tout ce qui bouge. Il en mangera peut-être un sur le moment, mais il va pas tous les manger. Donc il va en tuer plein, et puis bah voilà, ça va un peu décimer ce qu'il va trouver sur place. Donc ça, c'est un problème. Sauf que, vous allez me dire quand même, 7 à 8% sur 4 ans, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de manchots tués, surtout qu'en plus, c'est des chiffres, évidemment ce sont des cadavres qu'on a retrouvés. Il y a tous ceux qu'on n'a pas retrouvés derrière, qui sont... Donc faut imaginer que ce chiffre est un peu plus élevé, en fait, que ce qu'on nous dit là. Le problème, c'est que c'est pas le seul souci qui arrive à ces colonies de manchots dernièrement. On en a parlé précédemment, mais il y a beaucoup de problèmes avec les colonies de manchots, notamment à cause du réchauffement climatique, mais aussi à cause de ben, nous, et de la pollution qu'on fait, malheureusement. Mais aussi à cause de la surpêche, parce qu'avec la surpêche, eh ben, y a moins de poissons dans l'océan, et donc il y a moins de nourriture pour ces colonies de manchots qui doivent essayer de nourrir leur progéniture d'une manière ou d'une autre. Et s'il n'y a plus de poissons autour des colonies, bah, y a plus de petits. Et ça, c'est un problème. Et en fait, dans les modèles qui ont été faits par les scientifiques, parce que ça vient d'une étude qui a été publiée récemment, qui a donc fait des modèles sur l'évolution de cette population dans le temps, pour voir si jamais il y avait des problèmes à cause du puma, possiblement s'il fallait limiter l'accès du puma à ces plages et à ces lieux de nidification des manchots, s'il y avait moyen de faire quelque chose hein, pour les protéger. Et en fait, ils se sont rendu compte que c'était pas ça la plus grosse menace. Certes, le puma est une menace, mais c'est pas ça qui va induire la disparition de l'espèce. La disparition de l'espèce va venir, premièrement, de la surpêche, donc de la quantité de poissons qui sont disponibles. Malheureusement, on se rend compte, depuis ces dernières années, qu'il y a de moins en moins de poissons disponibles, du coup, les oiseaux se reproduisent de moins en moins, parce que bah, c'est pas la peine, ils peuvent pas nourrir leur progéniture, donc pas de reproduction possible. Et ils ont pas forcément non plus les réserves nécessaires pour produire des œufs, c'est aussi ça le problème. Et derrière, l'autre souci, c'est évidemment le réchauffement climatique qui, en plus de la surpêche, va aussi changer les voies de migration des différentes espèces de poissons, ce qui fait que du coup, elles ne sont plus disponibles aux mêmes endroits et aux mêmes périodes pour les oiseaux. Sans compter qu'évidemment, le réchauffement climatique va aussi impacter les manchots eux-mêmes, parce que ben, quand il fait trop chaud, c'est difficile d'incuber un œuf. C'est difficile de rester sous le soleil pour incuber. C'est difficile d'avoir la bonne humidité, la bonne température pour que l'embryon se développe bien. Enfin bref, il y a plein de problèmes qui viennent avec ça, hein, évidemment. Donc, au final, ce qui va vraiment finir par tuer les manchots, le plus rapidement en tout cas, c'est pas les pumas, c'est le réchauffement climatique, et finalement, c'est nous, en quelque sorte. Les pumas, j'ai envie de dire que c'est le dernier clou dans le cercueil, voilà. Des conclusions classiques pour comme un épisode du Courrier de la Sterne, finalement. Hélas, hélas. Non mais je pense qu'on peut imaginer que la population de manchots s'équilibrerait à un moment donné, donc que du coup la population de pumas s'équilibrerait aussi, enfin qu'il y aurait une stagnation des effectifs. À mon avis, c'est comme ça que ça a été pensé en tout cas, ou... Ils disent que c'est pas exactement un trop gros problème tant que la population de puma est pas trop importante. Et ça n'arrivera pas tout de suite. Donc ça va pour le moment. Et sans compter que les manchots ne sont pas complètement sans défense face à eux. Ils se sont... Il y a aussi le fait que depuis pas mal d'années, en fait, ils se sont habitués au fait qu'il y avait plus vraiment de prédateurs sur place pour aller tuer du manchot. Donc ils se sont mis dans des sites de nidification qui, peut-être précédemment, n'étaient pas leur site de choix. Où ils ont peut-être préféré aller se mettre plutôt sur des îles, par exemple, là où on va pas trouver le puma, parce que le puma va pas traverser à la nage. Mais ils ont préféré se mettre, cette fois-ci, sur des sites plus accessibles, du coup sur les plages directement du continent. Ce qui n'est pas forcément le meilleur choix quand vous avez un prédateur sur place. Mais là, comme il n'y était pas, et ben c'était facilement accessible, il y avait du poisson à proximité, bah écoute, on va nidifier là. Donc peut-être que finalement, ça va les faire revenir à des endroits qui sont peut-être moins accessibles par le puma, et puis voilà, il y a des migrations possibles, hein, ça marche comme ça aussi. Donc ça aurait pas été un problème sur le long terme à ce point-là. Le problème sur le long terme, c'est vraiment nous au final. C'est la surpêche et c'est le réchauffement climatique. Et du coup, ils établissent la disparition de la population à combien de temps si on ne fait rien pour protéger l'espace ? Alors, il y a des plusieurs scénarios hypothétiques qui ont été lancés, évidemment. Tout ça, c'est sur des modèles, hein. C'est fait sur des... Oui, c'est statistique. Hein, des statistiques, principalement. Donc, c'est des programmes de modeling, donc par ordinateur, où vous rentrez plein de paramètres, et puis derrière, ça vous sort une équation, ou ça vous sort un graphique qui va vous dire à quel moment votre population va chuter complètement, voire va disparaître. Alors, je crois que les prédictions... c'était si jamais on avait un très très faible taux de survie des jeunes, donc moins de 20% des jeunes qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, là on allait effectivement vers l'extinction en quelques dizaines d'années. Pour l'instant, okay. C'est pas encore le cas, donc ça va, on espère que ça va se maintenir. Okay. Mais faut pas atteindre cette limite-là en fait. Si on commence à atteindre cette limite-là, c'est plus ou moins la fin, le début de la fin. Eh ben, on termine encore sur une bonne nouvelle de le courrier de la sphère, Sophie. Oui, bon, bah voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu, même si on termine sur une mauvaise note. Il y a plein de super choses à aller découvrir, notamment dans la description avec toutes les histoires qu'on vous a racontées, toutes les sources que nous avons utilisées pour préparer l'émission. On rappelle que si vous avez des questions, eh bien ça se fait sur le YouTube. Et si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous, aussi bien la plateforme YouTube que les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast, Spotify, et j'en oublie sans doute plein d'autres, où vous pourrez retrouver eh bien, cet épisode et les précédents, puisque les précédents sont toujours évidemment accessibles. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne, soit la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes. À plus.